إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ساشي أيها الإخوة الكرام ساشي كالله تبارك وتعالى إلى ليجيفيري pour nous pour ses serviteurs toutes sortes d'obéissance et d'adoration et de rapprochement. Et il nous a ordonné et il ordonne aux autres communautés qui étaient avant nous, il leur a ordonné des adorations avec lesquelles ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous a également ordonné à nous aussi, les musulmans, des adorations et des obéissances avec lesquelles on se rapproche de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et parmi ces adorations qui sont énormes et importantes et dont découle une énorme récompense, parmi ces adorations il y a le bon comportement. Le bon comportement avec lequel la balance de chaque musulman sera lourde le jour de la résurrection. يقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن رواه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. والحديث رواه الترمذي. Et le bon comportement, il élève en degré. Il élève le musulman et le croyant en degré. Et il lui rajoute également des bonnes actions. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم رواه أبو داود. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes le croyant atteint avec le bon comportement le degré de la personne qui jeûne et de la personne qui veille en prière toute la nuit. Celui qui a un bon comportement, il atteint le même degré que celui qui a jeûné et qui à prier et à veiller en prière toute la nuit. Wal hadith rawahu Abu Daoud. Et la récompense du bon comportement, elle est multipliée pour la personne. Celui qui pratique le bon comportement, eh bien Allah Azza wa Jal, il lui multiplie la récompense. Même si cette chose, ce bon comportement, eh bien, pour lui, il est insignifiant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que la récompense du bon comportement est multipliée et qu'on doit rien dénigrer de ce bon comportement, il nous dit ne délaisse rien du bon comportement, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Rawahu Muslim. Et la meilleure des personnes d'entre nous, la meilleure des personnes parmi les musulmans, c'est le croyant qui a un bon comportement et qui pratique ce bon comportement. يقول عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحسنكم أخلاقا رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la meilleure ou les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Rawahu al-Bukhari. Et le bon comportement, c'est l'action, bi'idhnillah, qui fait entrer le plus de gens au paradis, avec la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bi'fadlillah, le bon comportement, c'est l'action et c'est l'acte qui fait entrer le plus de gens au paradis des délices. Qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune oreille n'a jamais entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam su'ila an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Faqala alayhi afdalu as-salati wa azka at-taslim. Taqwa Allah wa husn al-khuluq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur la chose qui fait entrer les gens, ou sur la chose qui fait entrer le plus les gens au paradis. Alors quand on lui a posé cette question, qu'est-ce qu'il a répondu le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit, la chose qui fait rentrer le plus au paradis, c'est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le bon comportement. La crainte d'Allah azza wa jal, c'est le fait de mettre entre toi et Allah azza wa jal, toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, une protection. C'est-à-dire que tu dois faire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné, tu dois délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, tout en suivant la sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose qui fait entrer le plus les gens au paradis. Et la deuxième, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement. Et avec le bon comportement, la foi de la personne, bi'idhnillah, elle sera complète. Et elle sera parachevée. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أحسنهم خلقا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous dit, les croyants qui ont la foi la plus parfaite et la plus grande et la plus complète, ce sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Et celui qui aura le plus haut degré au paradis est celui qui aura le meilleur des comportements. Celui qui aura le plus haut degré au paradis, bi'idhnillah, c'est celui qui aura appliqué tous les jours le bon comportement, qui se sera bien comporté avec Allah Azza wa Jal, qui se sera bien comporté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se sera bien comporté avec sa famille, qui se sera bien comporté avec lui-même, qui se sera bien comporté avec ses frères. Celui-là, il aura le plus haut degré du paradis, bi'idhnillah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود, يقول النبي أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, il nous dit quoi? Il nous dit, je suis garant d'une maison dans le plus haut degré du paradis, pour celui qui aura appliqué le bon comportement. Donc ça prouve l'énorme importance de bien se comporter avec Allah Azza wa Jal, avec le prophète, avec nous-mêmes, avec nos familles. Ça prouve l'importance de cette adoration sublime. Ça prouve son rang élevé et ça prouve son honorabilité de cette adoration et de cette obéissance qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal et qui nous fait atteindre le degré de celui qui jeûne et de celui qui se lève prier toute la nuit et qui nous fait atteindre la récompense du plus haut degré du paradis. Yaqul ibn al-Qayyim rahimahullah الدين الخلق الدين الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله il dit la religion c'est quoi? Il nous donne l'explication de la religion. Il nous dit la religion c'est le bon comportement et celui qui a le meilleur des comportements ou celui qui a un comportement, ou celui qui a un meilleur comportement que toi, eh bien, il est meilleur dans la religion que toi. Il nous dit que la religion, c'est le bon comportement. Et celui qui a un meilleur comportement que toi, il est meilleur que toi en religion, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, il invoquait son Seigneur, Tabaraka wa ta'ala, pour atteindre justement ce bon comportement, pour appliquer ce bon comportement. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Alors que dire de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahumma hdini li ahsani l'akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, on a dit qu'il invoquait son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, pour avoir, pour appliquer ce bon comportement. Et il disait, ô Seigneur, guide-moi vers le bon comportement, pour appliquer ce bon comportement. Ne guide vers le bon comportement que toi, que Allah Azza wa Jal. Et écarte-moi du mauvais comportement, n'en écarte que toi. Comme dans le hadith qui est rapporté par Muslim. Et ça, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous fasse atteindre ce degré-là de bon comportement et qu'il fasse qu'on s'écarte du mauvais comportement et qu'il fasse qu'on s'écarte du fait d'être la pire des personnes le jour de la résurrection. Parce que la pire des personnes le jour de la résurrection, c'est celui que les gens auront délaissé pour se protéger de son mal, pour se protéger de son mauvais comportement. Wa yaqulu ibn Rajab rahimahullah la tatimmu at-taqwa illa bi husni al-khuluq. La tatimmu at-taqwa illa bi husni al-khuluq. Ibn Rajab rahimahullah, il nous disait, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala ne sera pas complète et ne sera pas parachevée tant que la personne n'aura pas un bon comportement. Si la personne ne se comporte pas bien, elle ne craindra pas vraiment Allah azza wa jal. Mais si la personne se comporte bien et elle fait ce qu'Allah azza wa jal lui a ordonné et elle délaisse ses interdits et elle applique à la lettre de la sunna de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, eh bien, cette personne aura appliqué le bon comportement et elle craindra Allah Azza wa Jal. Et sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sera complète, bi'idhnillah. Et sachez aussi que les gens qui seront le plus proches des prophètes et des messagers alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, ce sont ceux qui auront appliqué le meilleur des comportements et qui auront appliqué le bon comportement. يقول عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا رواه الترمذي. Le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام il nous dit ceux que j'aime le plus parmi vous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, ceux que j'aime le plus parmi vous, et qui seront assis le plus proche de moi le jour de la résurrection. Subhanallah. Et ceux qui seront assis le plus proche de moi, yani le plus proche du prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, il a dit ce sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Ce sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Et ça, ce hadith, encore une fois, il prouve l'importance de bien se comporter avec ses frères, de bien se comporter avec les gens, que ce soit les mécréants ou les musulmans, etc. Et le hadith, rawahu al-Tirmidhi. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusi sahabatahu ridwanullahi alayhim بحسن الخلق فقال لمعاذ رضي الله عنه فقال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Et le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام il exhortait ses compagnons رضي الله عنهم et il les motivait. Il les conseillait à avoir un bon comportement. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il disait à Mu'adh, il lui disait, crains Allah où que tu sois et fais suivre les mauvaises actions par des bonnes actions, celles-ci les effaceront. Et comporte-toi bien avec les gens. Et comporte-toi bien avec les gens. Ça, c'était le conseil de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à ses compagnons. Et c'est également un conseil pour nous, puisque ceux qui s'appliquent aux compagnons s'appliquent également à tous les musulmans. Et le hadith rawahu al-Tirmidhi. Et le bon comportement, bi-idhnillah, il sauve la personne du châtiment de l'enfer. Il sauve la personne du châtiment de ce feu ardent dont le combustible sera les pierres et les gens. Il sauve de cette chaleur ardente que personne ne voudra goûter. Il sauve de l'enfer que si tu lançais une pierre du bord de l'enfer, elle mettrait plus de 70 ans à toucher le fond. Ul'iyadhu billah. Et le fait de bien se comporter, ça sauve de tout ça. Ça sauve du feu de l'enfer et de ses flammes. Et de ses atrocités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ittaqun nar walaw bi shiqqi tamra. Fa in lam tajid fa bi kalimatin tayyibah. Muttafaqun alayhi. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il disait, et il nous conseille en même temps, pour nous écarter du feu de l'enfer, comme on a dit, et de ses atrocités, il nous disait, crains le feu, c'est-à-dire écarte-toi-en, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Et si tu ne trouves pas, alors ne serait-ce qu'avec une bonne parole. Et le fait de dire des bonnes paroles, ça fait partie du bon comportement. Et ça, c'est un conseil de notre prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais malheureusement, très peu parmi nous suivent ces conseils. Aujourd'hui, et là je vois beaucoup de jeunes, aujourd'hui tu entends les jeunes quand tu passes dehors, tu ne les entends plus dire des bonnes paroles, mais au contraire, ils ne disent que des mauvaises paroles, et des grossièretés, et des gros mots, et ils prennent exemple sur autre que la guidée de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam wa l'il-asaf. Alors que le contraire doit être fait, et ils doivent prendre exemple sur le meilleur des exemples, sur celui qui a été envoyé pour transmettre la révélation de notre Seigneur. Ils doivent prendre exemple sur notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui lui disait de nous écarter du feu, ne serait-ce qu'avec une bonne parole. Ne serait-ce qu'avec une bonne parole. والحديث رواه البخاري ومسلم. وبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الأخلاق الصالحة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد. Le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, il a été envoyé pour inviter les gens à n'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et également, il a été envoyé pour le bon comportement, pour que les gens appliquent le bon comportement. Il a été envoyé pour inviter les gens au bon comportement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, il nous dit: j'ai été envoyé pour parachever le bon comportement. Et les messagers et les prophètes, alayhi salatu wassalam, eux, ils ont appliqué le bon comportement. Ils ont appliqué le bon comportement et le plus glorieux des comportements. Nuh, alayhi salam, il a invité son peuple à croire en Allah tabaraka wa ta'ala pendant 950 ans. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit fi surat al-Ankabut, comme il nous dit falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Il est resté auprès d'eux 1000 ans sauf 50, ce qui fait 950 ans. Et pendant tout ce temps-là, il les a invités à n'adorer qu'un Dieu unique, Allah Azza wa Jalla. Et il a patienté avec eux. Et il a enduré leurs désagréments. Et il a patienté quant à leurs oppressions pendant 950 ans. 950 ans. Aujourd'hui, il y en a un, il te parle pendant 2 minutes mal. Tu vas te dire: laisse-moi tranquille. Lui, 950 ans, il a patienté avec son peuple. Il les a invités à Allah Azza wa Jal. Et la patience fait partie du bon comportement. Et Ibrahim, alayhi salam, il était généreux. Fakana karima. Il était généreux. Et quand les anges sont venus à lui pour lui annoncer la nouvelle d'un fils, et la nouvelle qu'ils allaient détruire le peuple de Lot, alors qu'il ne savait pas que c'était des anges, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et il leur a cuisiné un gros veau. Il l'a égorgé et il leur a cuisiné. فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. Il est venu avec un gros veau bien cuit et il leur a donné. Mais il ne savait pas que c'était des anges. Et donc il a appliqué le fait d'être généreux et le fait d'inviter, d'être généreux avec ses invités, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Ça, Ibrahim, il avait appliqué déjà. Et le fait d'être généreux avec les gens, ça fait partie également du bon comportement. Et Ismaïl, alayhi salam, le fils d'Ibrahim al-Khalil, alayhim as-salam, lui, il tenait ses engagements. C'était une personne qui tenait ses engagements. Comme Allah Azza wa Jal, il nous dit: wa kana sadiq al-wa'd. Et il tenait ses engagements. Wadhkur fil kitab Ibrahim et Ismaïl. Hein? Jusqu'à ce qu'ils disent: wa kana sadiq al-wa'd. Et il tenait ses engagements. Et le fait de tenir ses engagements, eh bien, ça fait partie du bon comportement que le musulman, il doit appliquer. Et ça fait partie des caractéristiques des croyants. الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui tiennent leurs promesses et leur engagement quand Allah Azza wa Jal nous donne les caractéristiques des croyants. Mais aujourd'hui, walil asaf, tout ça c'est parti. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait dit, il nous a dit que la première des choses qui va s'enlever dans cette communauté, ça va être l'amana, le fait de tenir ses dépôts et ses engagements. Et ça, on le voit tous les jours. Tu donnes un rendez-vous à une personne, il ne vient pas. Il te dit qu'il va te ramener quelque chose, il ne te la ramène pas. Alors que pour lui, ça peut paraître insignifiant, mais pour Allah Azza wa Jal, ça peut être très grave. La personne, le musulman, il doit tenir ses engagements, il doit tenir ses promesses. Quand il dit quelque chose, il doit le faire. Quand il promet quelque chose, il doit l'accomplir. Et Ismaïl, lui, alayhi salam, il tenait ses engagements, et le fait de tenir ses engagements fait partie du meilleur des comportements. Wa Yusuf, alayhi salam, il a dit à ceux qui ont été la cause de son éloignement de sa famille, qui ont été la cause de ceux qui ont été la cause de son emprisonnement, qui ont été la cause de ses épreuves. Qu'est-ce qu'il leur a dit à ses frères? Je parle de ses frères. Qu'est-ce qu'il leur a dit quand ils sont venus à lui? Il leur a dit, la tathriba alaykum al-yawm. Il leur a dit, pas de récrimination aujourd'hui contre vous. Et pourtant, ils ont été la cause, comme on a dit, de son emprisonnement, du fait qu'il fut éprouvé par la femme de l'Aziz, du fait qu'il a été éloigné pendant des années et des années de son père, Yaqub, et de ses parents, et de sa famille, et de son pays. Malgré tout ça, quand ils sont venus le voir et qu'ils l'ont reconnu, il a dit à ses frères, « La tathriba alaykum al-yawm. » « La tathriba alaykum al-yawm. » Pas de récrimination aujourd'hui. Yani, je ne vous en veux pas. Aujourd'hui, je ne vous en veux pas. Et le fait de pardonner à ses frères, à ses sœurs, à sa mère, à ses voisins, fait partie du bon comportement. Et Moussa, alayhi salam, c'était une personne qui était pudique. C'était une personne qui était extrêmement pudique. Et il ne montrait aucune des parties intimes de son corps. Ou aucune partie de son corps carrément. Alors que son peuple, le Banu Israël, à son époque, ils se lavaient tous tout nus dans le même bassin. Ils se lavaient tous tout nus dans le même bassin. Et Ibrahim et Moussa, lui, il ne se lavait pas avec eux. Il était pudique. Il avait de la pudeur. Donc quand il se lavait seul. Et un jour, Allah Azza wa Jal, il a voulu, ou il a fait en sorte que on lui prenne ses affaires. Il a mis ses affaires sur un rocher et il a fait que ce rocher bouge et il est parti. Il a couru après le rocher, il est passé devant son peuple. Et ils l'ont vu tout nu. Et Allah Azza wa Jalla ensuite l'a innocenté. Mais le hasil, c'est que Moussa alayhi salam était pudique. Et le fait d'être pudique et d'avoir de la pudeur et de pas montrer ses parties intimes et de pas montrer sa aura, etc., ça fait partie du bon comportement. Et notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la créature qui a le meilleur des comportements. Et l'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle suffit comme preuve que Mohammed alayhi salatu wassalam avait le meilleur des comportements. Allah azza wa jal, il dit, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu es certes, ya Muhammad, tu as certes, ya Muhammad, un comportement éminent, un bon comportement. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il a vécu toute sa vie. Toute sa vie, il a vécu en appliquant ce bon comportement. Et en s'écartant du mauvais le plus loin possible. Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est l'exemple pour nous. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Mohammed alayhi salatu wassalam, il appliquait et il avait le meilleur des comportements. Et toute sa vie, il a vécu en appliquant ce comportement, qu'il soit dans la difficulté ou dans les largesses d'Allah Azza wa Jal, dans la facilité. Son comportement n'a jamais changé. et n'a jamais varié. Et il s'écartait du mauvais comportement le plus loin possible. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ رَوَاهُ مُسْلِمُ. Un jour, un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interpellé. Et il lui a dit, en l'interpellant, ô toi la meilleure des créatures. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné et il lui a dit quoi? En toute humilité, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, celui dont tu parles, la meilleure des créatures, c'est Ibrahim. Subhanallah. Alors qu'on sait que c'est Mohammed. C'est Mohammed la meilleure des créatures. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était humble. Il avait de l'humilité. Et son humilité a fait qu'il a dit ça. Qu'il a dit que celui dont tu parles c'est Ibrahim. Il hadith rawahu muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la personne la plus généreuse. Jamais, comme nous le rapporte Anas radiallahu anhu, jamais il n'a refusé une chose à quelqu'un qui lui demandait. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est venu lui demander quelque chose et il a refusé à la personne de donner. S'il avait, il donnait. S'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait. Nous on a, on donne pas. On a, on donne rien. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait le visage le plus épanoui. Et il était toujours souriant. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Yaqulu Jarir radiyallahu anhu, ma ra'ani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa tabassam. Jarir radiyallahu anhu, il disait, pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours souriant, était toujours heureux de voir ses compagnons, il lui disait quoi? Il lui disait, il a dit, Jarir, à chaque fois que je voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il me voyait, il souriait. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il tenait toujours ses engagements. Et il donnait le plein droit à chaque personne. Et si un compagnon tombait malade, il demandait de ses nouvelles. Ou il allait le visiter. Et s'il ne voyait pas une personne, il demandait aux autres gens ou à ses compagnons, où est un tel? Qu'est-ce qu'il a? A-t-il un problème? Il demandait de ses nouvelles. Et combien sommes-nous à faire ça aujourd'hui? Combien sommes-nous à prendre l'exemple de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? S'il y en a un, on ne le voit pas pendant des mois et on le revoit, c'est là qu'on va penser à lui. Pendant tout ce mois-là, on l'aura oublié. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était compatissant. Il raccourcissait la prière alayhi salatu wassalam. Quand il entendait les pleurs des nourrissons, quand il entendait les enfants pleurer chez les femmes, alaykoum assalam, il raccourcissait sa prière, alayhi salatu wassalam. Et tout ça par miséricorde pour la mère du nourrisson, parce qu'il sait qu'est-ce qu'elle ressentait quand son enfant y pleure. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'était la personne qui avait le caractère le plus doux, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il rentrait chez lui, il aidait ses épouses. Quand Muhammad alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures, celui à qui Allah azza wa jal il a révélé le meilleur des livres, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi toute la création pour révéler la meilleure des religions, quand il rentrait chez lui, il aidait ses femmes. Combien d'entre nous aident sa femme? Combien d'entre nous s'occupe de ses enfants. Combien d'entre nous fait la vaisselle chez lui? Combien d'entre nous balaye? Combien d'entre nous fait son lit? Si je vous demandais de lever la main, il n'y en aurait pas beaucoup. C'est sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un frère là-bas. C'est le seul alors. À la kulli hal, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, lui, il aidait ses épouses. Et pourtant, c'est la meilleure des créatures, subhanallah. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il était endurant. Et il avait une patience extrême. Il a été éprouvé en Allah Azza wa Jal. Comme personne n'a été éprouvé. Et il a eu peur dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme personne n'a jamais eu peur. Et pourtant, il a patienté. Et il a enduré. Et Allah Azza wa Jal lui disait: Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Patiente, ya Muhammad, comme ont patienté ceux des messagers par avant toi, doués de fermeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était endurant. Et il était patient. Et un jour, il est sorti de chez lui, alayhi salatu wa salam. Et une pierre, elle était attachée à son ventre. Tellement il avait faim, alayhi salatu wa salam. Et jamais il ne s'est plaint de ça. Jamais il ne s'est plaint de la faim. Mais il patientait, il endurait pour Allah. Et il prêchait. Et il exhortait ses compagnons. Et il invitait les gens à l'islam. Alayhi salatu wa salam. Et Muhammad alayhi salatu wa salam, c'était la personne qui pardonnait le plus. Ses ennemis, ils l'ont combattu. Et ils l'ont blessé. Et ils ont tué ses compagnons. Ils ont tué son oncle Hamza. Mais quand il est rentré victorieux à Am al-Fath, à Mecca, quand il est rentré, les associateurs de la Mecque, ils tremblaient. Ils avaient peur de la vengeance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a pardonné. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: Idhhabu fa antum at-tulaqa. Partez, vous êtes libres. Ça prouve l'honorabilité et le caractère glorieux de notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et Muhammad alayhi salatu wa salam était la personne la plus compatissante que cette terre n'a jamais portée. Son peuple, comme on a dit, ils lui ont causé du tort. Et ils lui ont lancé des pierres. Il était à Taif, alors qu'il était oppressé à Mecca. Et il cherchait refuge auprès d'un peuple. Il est parti à Taif. Il est parti là-bas pour les inviter à adhérer dans l'islam et pour qu'ils l'aident. Ils ont refusé et ils ont envoyé leurs enfants jeter des pierres à la meilleure des créatures, Muhammad alayhi salatu wa salam. Alors Jibril, il est venu voir notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam et il lui a dit qu'il attendait juste son ordre pour ordonner à l'ange des montagnes de renverser sur eux les deux montagnes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé et il a dit: J'espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse sortir de leur descendance des gens qui n'adorent qu'Allah tabaraka wa ta'ala seul sans associer et qui ne lui associent rien. Et il disait à Aïcha radiallahu anha: Alayki bir rifq wa iyaki wal unfa wal fuhsh. Muttafaqun alayhi. Et il disait à Aïcha radiallahu anha: soit douce et compatissante, et ne sois pas sévère et indécente dans tes paroles. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il n'a jamais frappé de sa main ni une femme, ni un servant, comme ceci est rapporté par Anas radiallahu anhu, ou le hadith عند al-Bukhari wa Muslim. C'est ce chemin droit et ce comportement exemplaire que les compagnons, ridwanullahi alayhim, ils ont pris. Les compagnons, radiallahu anhum, ils avaient un comportement noble avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Urwa, radiallahu anhu. Avant ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, était d'un bon conseil pour ses compagnons. Et il les raffermissait. Et il les exhortait à patienter. Et il les apaisait, il apaisait leur cœur. Quand il était avec Abu Bakr, quand ils se sont enfuis de Mecca jusqu'à Medina, et ils se sont retrouvés flera, Abu Bakr, radiallahu anhu, était tremblant de peur. Et il était terrifié, radiallahu anhu. Et il lui a dit, si ils regardent à nos pieds, ils vont nous voir, ya Rasulallah. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui raffermir le cœur, il lui a dit, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, Allah tabaraka wa ta'ala est avec nous. Ça, comme on a dit, ça prouve l'honorabilité et la patience et l'endurance et la compassion de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui doit être pour nous un exemple et qui a été un exemple et qui a été un exemple pour les compagnons radiallahu anhum, qui eux ont appliqué ce bon comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Urwa radiallahu anhu a dit, إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له رواه البخاري. Quand le prophète عروة رضي الله عنه a dit, quand le prophète صلى الله عليه وسلم ordonnait une chose, on y accourait. Et s'il parlait, on baissait la voix. Et jamais on ne défiait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du regard. Et on ne le regardait pas dans les yeux, par respect pour lui, pour sa personne, alayhi salatu wassalam. Et ça, ça doit être un exemple pour nous quand on voit des gens de science, des gens qui doivent être respectés dans la communauté. On doit les respecter de cette manière. Wa Amr ibn al-As radiyallahu anhu قال ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه رواه البخاري. Et pour montrer le respect et le bon comportement qu'avaient les compagnons avec le prophète alayhi salatu wassalam, et bien Amr ibn al-As radiallahu anhu a dit, je n'ai pas aimé une personne plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune personne que lui n'était plus précieuse à mes yeux. Et je ne pouvais pas remplir pourtant mes yeux de son image par respect pour lui. Et si on me demandait de le décrire, je ne pourrais pas tellement je baissais les yeux devant lui. Ou le hadith, rawahu al-Bukhari. Les compagnons, radiallahu anhum, étaient des exemples dans le bon comportement. Et ils se respectaient les uns les autres. Umar radiallahu anhu, il disait d'Abu Bakr, Umar radiallahu anhu, il disait d'Abu Bakr al-Siddiq, il disait de lui, Abu Bakr, ahlamu minni wa awqar. Il disait, il est plus doux et plus compatissant que moi. Et Uthman, radiallahu anhu, était pudique et même les anges avaient honte de lui, tellement il était pudique, comme ceci est rapporté par notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et sachez aussi que la personne, le musulman, le croyant, ne pourra pas s'élever à un rang honorable, à un haut degré, s'il n'est pas doux, s'il n'a pas le bon comportement. Et la base du bon comportement, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de ne vouer l'adoration qu'à Allah Azza wa Jal. C'est le fait de vouer le culte exclusivement à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aura appliqué le tawhid, qui aura unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, qui aura appliqué la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et bien celui-là aura voué, aura appliqué le bon comportement. Et celui par contre qui n'unifie pas Allah Azza wa Jal dans son adoration, mais qui adore avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, et bien celui-là, même s'il a un bon comportement, son bon comportement ne lui sera d'aucune utilité quand il rencontrera Allah Azza wa Jal. Aïcha radiallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'Ibn Jid'an, qui était un des chefs de Quraysh avant l'islam. Elle lui a dit, cet homme-là ne rompait pas les liens de parenté et il donnait à manger aux pauvres. Est-ce que ces actes-là et ce bon comportement lui sera bénéfique le jour de la résurrection? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit, inna dhalika la yanfa'uh, innahu lam yaqul yawma rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Aïcha, en parlant de cet homme, en parlant de son bon comportement, malgré qu'il ait eu un bon comportement ici-bas, il lui a dit, ses actes à lui ne lui seront d'aucune utilité. Il n'a jamais dit un jour, ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés et mes erreurs le jour de la résurrection. Rawahu Muslim. Ça prouve que celui qui ne voue pas le culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala et qui n'applique pas de tawhid, qui ne voue pas l'adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal, ça prouve que son bon comportement, même s'il se comporte bien, eh bien, ça ne lui sera d'aucune utilité devant Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une part ici-bas et le récompensera dans cette dunya. Mais dans l'au-delà, il n'aura aucune part, wal'iyadu billah. Et beaucoup de gens sont dupés par certains mécréants qui font du bien, qui aident les gens, qui aident les indigents, les pauvres, qui leur donnent à manger, subviennent à leurs besoins. Ils sont dupés par ces gens-là et ils disent Allah Azza wa Jal, il le récompensera dans l'au-delà. Comme l'abbé Pierre par exemple, un exemple qui me vient en tête. Walakin Allah Azza wa Jal l'a récompensé ici. Mais dans l'au-delà, ces gens-là n'auront aucune part. Et ça, c'est prouvé par ce texte de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam dans le hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari. Et sachez donc que bien se comporter, c'est bien se comporter avec Allah Azza wa Jal. Le bon comportement, c'est de bien se comporter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de bien se comporter avec Allah Azza wa Jal, comme on a dit, c'est ne rien lui associer dans son adoration. C'est de lui vouer le culte exclusif. Car c'est Allah tabaraka wa ta'ala seul qui mérite l'adoration et toutes les sortes d'adoration. Que ce soit les invocations, que ce soit le sacrifice, que ce soit la prière, que ce soit le vœu, que ce soit le jeûne, que ce soit les invocations, que ce soit le fait de s'en remettre à lui et tawakkul, que ce soit l'inaba, le fait de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, toutes les sortes d'adorations, elles doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit lui-même dans le Coran. Il nous dit وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah tabaraka wa ta'ala et ne lui associez rien. Bien se comporter avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est également être sincère dans l'adoration qu'on lui voue. On a dit que toutes les adorations doivent être vouées à Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de ne vouer l'adoration qu'à lui exclusivement, et il le dit à son prophète. Il lui dit, dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort, n'appartiennent qu'à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'elles ne doivent être vouées qu'à lui, seul, sans associé. Et c'est ça qui m'a été ordonné. Et donc, bien se comporter avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est être sincère dans l'adoration. C'est être sincère dans l'adoration qu'on voue à Allah Azza wa Jal. Car la sincérité, l'ikhlas, c'est une des conditions de base pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte tes œuvres et pour qu'il puisse t'en récompenser. Et l'œuvre n'est pas acceptée si elle n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول المولى عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien et personne dans l'adoration de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il doit être sincère dans le fait de vouer l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il faut également aussi savoir que Allah Azza wa Jal le voit dans ses moindres faits et gestes. Et savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous entend et qu'il sait ce que contiennent nos cœurs et nos poitrines. C'est pour cette raison, quand le musulman il sait ça, c'est pour cette raison que le musulman doit être assidu. Il doit être assidu à bien se comporter avec Allah Azza wa Jal, en lui obéissant, que ce soit en secret ou ouvertement, tout en s'écartant de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit ou rendu illicite. Et le bon comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est également ne demander secours qu'à Allah Azza wa Jal, tout en étant certain que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui donne et qui prive. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu demandes de l'aide, si tu demandes quelque chose, demande-la exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et si tu demandes le secours et implore le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Rawahu al-Tirmidhi. C'est pour cette raison que le musulman, as-sadiq al-iman, celui qui est véridique dans sa foi, doit demander seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est en difficulté ou quand il est dans la facilité. Et il doit se tourner exclusivement vers son Seigneur Azza wa Jal. Pour ceux dont il a besoin. Ou pour lui demander la victoire et la réussite. Ou la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les bons comportements également à avoir avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de l'aimer. C'est d'aimer son Créateur Azza wa Jal. Et c'est de ne pas lui désobéir. يقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. Et Allah Azza wa Jal il dit, et les croyants sont ceux qui aiment le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez également qu'il y a un comportement à avoir vis-à-vis du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah tabaraka wa ta'ala, il a légiféré un comportement à avoir avec notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, que ce soit de son vivant ou dans sa mort. Et ceci est expliqué clairement dans les textes du Coran et de la sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa salam. Parmi ses comportements à avoir, par exemple, quand il était vivant, c'était de ne pas élever la voix quand on s'adresse à lui, alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala, il disait, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah azza wa jal, il interpelle les croyants, il leur dit, ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète. Et ne haussez pas le ton quand vous lui parlez, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte, wal'iyadu billah. Et parmi les comportements à avoir avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est également de l'aimer. Plus que nos parents, plus que nos enfants, et même plus que notre propre personne. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري. Le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, il a dit, l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus que son fils, plus que son père, et plus que tous les gens réunis. Et parmi le comportement à avoir avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Et c'est de délaisser ce qu'il a interdit. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que vous a donné le messager, prenez-le et appliquez-le. Et ce ou les choses qu'il vous a interdites, délaissez-les et écartez-vous-en. Et également, parmi les bons comportements à avoir avec notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est le défendre quand on l'offense. Et c'est croire également en ce qu'il a informé parmi les choses de l'invisible et parmi les choses qui vont se passer. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui faisait une révélation. Et parmi également les bons comportements à avoir, c'est le comportement à avoir avec ses parents. Avec ses parents, c'est obéir à ses parents dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils soient mécréants ou musulmans. Car Allah azza wa jal, il a apposé l'obéissance des parents à son obéissance à lui, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il dit, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et adorez Allah tabaraka wa ta'ala, et ne lui associez rien, tout en étant bienfaisant avec les parents. Allah tabaraka wa ta'ala, il a imposé son droit avec le droit des parents. Ça, ça prouve l'énorme importance que les parents ont sur nous, que nos parents ont sur nous. Et il faut savoir que la bienfaisance et le bon comportement envers les parents, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est quelque chose qui est très très importante. Il ne faut pas oublier que ta mère, elle t'a porté avec difficulté. Ta mère, elle t'a porté avec difficulté. Et qu'elle t'a mis au monde avec difficulté également. Comme Allah Azza wa Jalla il dit, وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمَلَتْهُ كُرْهَا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا إيش الآية؟ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. نعم. يعني ta mère t'a porté avec difficulté et elle t'a mis bas, elle t'a mis au monde avec difficulté. Et il faut savoir aussi que ta croissance dans le ventre de ta mère n'a fait que lui rajouter que de la lourdeur. Et ça l'a affaibli quand tu étais dans son ventre. Et au moment de l'accouchement, il ne faut pas oublier que ta mère, elle a vu la mort devant elle. Ta mère, quand elle t'a mis au monde, elle a vu la mort devant elle. Mais quand elle t'a vu, elle a tout oublié. Elle a oublié la difficulté et elle a oublié la douleur. Et elle a mis tous ses espoirs sur toi. Et elle a vu en toi, quand elle t'a mis au monde, elle a vu en toi les délices de cette vie d'ici-bas. Et ensuite, elle s'est occupée de toi le jour et la nuit. Que ce soit le jour ou la nuit, ta mère, elle s'est occupée de toi. Elle t'a donné le sein au détriment de sa santé. Et ta nourriture, c'était son lait. Et ta demeure, c'était les genoux de ta mère quand tu étais petit. Et ta balançoire, c'était ses bras. Elle se privait, ta mère, pour que toi tu sois rassasié. Et elle faisait passer ton bonheur avant le sien. Et elle était réjouie, ta mère, quand elle te voyait. Et elle était miséricordieuse avec toi, elle était compatissante. Et dans ton enfance, ta mère, elle était tout pour toi. Quand tu étais petit, ta mère, c'était tout pour toi. Et si elle disparaissait ne serait-ce qu'un instant, tu la recherchais et t'allais à sa recherche. Et si une difficulté te touchait, tu lui demandais de l'aide. Et tu pensais que tout le bien, il se trouvait auprès de ta mère. Et que rien ne pouvait t'arriver quand tu étais dans ses bras. Ou quand elle te regardait, tu pensais que rien ne pouvait t'arriver. Et son cœur, le cœur de ta mère, il t'appartenait. Et elle demandait à son Seigneur de te protéger, tabaraka wa ta'ala, et d'être ton garant. Et tu étais son âme. Et tu étais une partie de son corps à ta mère. Et tu étais son joyau. Et tu étais son rubis. Et tu étais sa pierre précieuse. Mais aujourd'hui, il y en a qui font devancer leur femme sur leur mère. La femme, elle a un droit sur toi. Mais ta mère, n'oublie jamais que ça reste ta mère. Jamais tu ne dois faire devancer ta mère sur ton épouse. Ce serait une grande erreur. Le paradis se trouve sous les pieds de ta mère, ya akhi. Et pour montrer également l'importance des parents, un jour, un homme est venu voir Omar radiallahu anhu et il lui a dit, j'ai porté ma mère du Yémen jusqu'à Mecca sur mon dos et j'ai fait les rites du pèlerinage avec elle sur mon dos. Est-ce que je lui ai donné son droit? Alors Omar radiallahu anhu, il lui a dit non, tu ne lui as pas donné son droit. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que elle, quand tu étais petit, elle t'a porté sur son dos et elle espérait que tu vives. Et toi aujourd'hui tu la portes sur son dos et tu espères qu'elle meure. Ça prouve l'importance des parents. Et ton père, lui, il a fourni tous les efforts qui étaient dans sa capacité, pour toi. Il les a fournis. Il a fourni tous ses efforts qu'il pouvait. Et il écartait de toi tous les désagréments et toutes les oppressions. Et il multipliait les va-et-vient pour ta subsistance. Et tes parents, ils ont été atteints par toutes sortes de difficultés. Et ton amour, il est ancré profondément dans le cœur de tes parents. Et ils ont fait tout leur possible pour te satisfaire. Et ils ont fait tout leur possible pour ta réussite. Tu étais la prunelle de leurs yeux. Et tu es leur compagnon dans cette vie d'ici-bas. Tu es l'espoir de leur futur. Ils dépensaient de l'argent pour toi quand tu étais malade. Et ils étaient généreux quand ils te donnaient. Et tu as bu de leur nectar. Et tu as grandi sous leur protection et sous leur aile. Et sous leur giron. Rien que pour ça, tu dois bien te comporter avec eux. Rien que pour ça, tu dois bien te comporter avec tes parents, ya akhi. Et tu dois les respecter. Rien que pour ça. Et si la personne se comporte bien et applique le Coran et la sunna de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, eh bien cela améliorera la situation de cette communauté, bi'idhnillah. Et cette communauté, elle sera prise en exemple pour son bon comportement. Elle sera prise en exemple pour son bon comportement. Et sachez aussi que le comportement du musulman, ça doit être droiture dans sa religion. Ça doit être gentillesse avec douceur. Ça doit être le fait de pardonner avec tout en étant bienfaisant. Ça doit être généreux quand tu donnes. Ça doit être satisfait quand tu es dans la pauvreté et dans le besoin. Et tu dois aider les gens dans la difficulté. Tu dois donner une parole douce. Tu dois passer le salam à ton frère. Tu dois passer le salam à tes frères. Et tu dois être bienfaisant avec ta famille et tes voisins. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, il disait Al-akhlaqu bastu al-wajh wa badlu al-ma'ruf wa kaffu al-adha. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, il disait le bon comportement, c'est d'avoir le visage réjoui. C'est de faire le bien et de se retenir de faire le mal. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a partagé entre ses serviteurs le comportement, comme il a partagé leur subsistance. Certains ont un meilleur comportement que d'autres, mais ce comportement est toujours améliorable et perfectible. Et le Coran, la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle englobe tout le bon comportement. Tous les meilleurs comportements sont dans le Coran. Et le Coran englobe les meilleures œuvres également. Aïcha radiallahu anha, elle a été questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqalat kanat khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. C'est pour cette raison que nous devons, bi'idhnillah, prendre exemple sur notre prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et nous devons suivre l'exemple et le chemin de nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim, parce qu'ils étaient généreux et ils montraient le bon exemple. Et nous également, nous devons être un bon exemple pour nos proches, pour les autres, pour les mécréants, pour les musulmans, pour nos familles. Et si on applique ce bon comportement, bi'idhnillah, comme vous l'avez vu et comme on l'a expliqué, on atteindra la félicité et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Wallahu a'lam wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Comme prévu, bi'idhnillah, il y a un repas qui va se passer, je crois tout de suite. Il y a un frère qui, justement, a donné ce repas, a offert ce repas. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il accepte ses œuvres et qu'il le récompense fi dunya wal akhirah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fikum barakallah.